Chapitre 18. La saga d'Atli. Atlakvida. Cette saga, l'Atlakvida, et la suivante, l'Atlamal, sont désignées sous le nom de saga groenlandaise, parce qu'elles ont été composées ou tout au moins recueillies dans une province du sud de la Norvège appelée Groenland. Gudrun, la fille de Gjuki, vengea la mort de ses frères, ainsi que tout le monde le sait. Elle tua d'abord les fils d'Atli, ensuite elle tua Atli lui-même et brûla le palais avec tous ceux qui s'y trouvaient. Voici la saga qui a été faite à ce sujet. Atli envoya à Gunnar un messager très adroit. Il s'appelait Knefrod. Il se rendit du palais de Gjuki en la demeure de Gunnar. Il accepta le siège du foyer et la bière de l'hospitalité. Les hommes de Gunnar buvaient du vin dans la salle et ils craignaient la colère des Yunen rusés. Les messagers se taisaient. Knefrod, l'envoyé du sud, parla d'une voix grave du haut du siège élevé qu'il occupait. « Atli m'envoie vers vous, et je suis venu ici en traversant le sauvage Myrkvid, la noire forêt, sur nos coursiers qui mordent leurs freins, afin de vous engager à visiter la demeure d'Atli en costume pacifique. Vous pourrez choisir là-bas à votre gré des boucliers et de bonnes lances, des casques d'or brillants et des serviteurs yun, des carapaçons brodés d'argent, des cuirasses qui protègent dans le combat et des coursiers qui mordent le frein. Il vous donnera de l'or de Gnitaheide, des lances brillantes avec des manches d'or, des trésors princiers et des villes de Danpis et cette belle forêt qu'on nomme Myrkvid. » Gunnar tourna la tête et dit à Högni, « Que dis-tu aux guerriers prudents de ce discours ? Nous possédons autant d'or qu'on a pu en trouver sur la Gnitaheide. Nous avons cette salle pleine de glaives dont la poignée est ornée d'or. Nulle épée n'est plus acérée que la mienne, et nul cheval plus rapide que mon coursier noir. Mon arc est digne d'être pendu au-dessus de mon banc, ma cuirasse est d'or, et brillant sont mon casque et mon bouclier à portée jadis des halles de Kari. J'estime qu'ils sont meilleurs que tous ceux des Yun, que nous conseille notre sœur en nous envoyant cet anneau enveloppé dans une peau de loup. Elle nous avertit, je crois, de prendre garde à nous. J'ai trouvé l'anneau d'or enveloppé de poils de loup. Le voyage que nous devrions entreprendre est plein de périls. » Nul ne donna son avis à Gunnar, ni ses proches, ni ses conseillers, ni ceux qui déchiffraient les runes. Gunnar donna ses ordres dans la salle à boire, comme il convenait à un prince généreux. « Lève-toi, Fjörnir, et que les serviteurs apportent à la ronde des coupes d'or aux guerriers. Vieillard à la barbe grise, le loup régnera sur l'héritage des Niflungen si Gunnar succombe. » Les ours à la fourrure brune ravageront les champs cultivés à la grande joie des chiens si Gunnar ne revient pas. De nobles guerriers conduisirent hors de la salle en soupirant le roi, le chef qui se plaît dans les combats. Le jeune héritier de Högni parla. Allez joyeux et rassurés là où votre cœur vous appelle. Les guerriers joyeux poussèrent leurs chevaux ardents sur les hauteurs à travers la sombre Myrkvid. Tout le Hunmark retentit au passage de ces hommes intrépides. Ils franchirent de vertes plaines dépouillées d'arbres. Les tours du bourg d'Atli s'élançaient dans les nues. Les fidèles de Biki les gardaient, et on y voyait les salles des hommes du sud remplies de bancs pour s'asseoir, d'armes pendues aux murs, de boucliers brillants et de cottes de mailles qui préservent des blessures. Atli buvait du vin dans la salle d'armes. Des sentinelles se tenaient au dehors pour annoncer l'arrivée des hommes de Gunnar qui s'approchaient la lance au poing et pour commencer l'attaque contre le roi. Sa sœur s'avança à la rencontre de ses frères jusqu'au seuil de la salle. On ne leur offrit pas la bière de l'hospitalité. « Gunnar, tu es trahi, » dit-elle. « Comment, ô noble guerrier, pourras-tu échapper aux embûches préparées par la haine ? Hâte-toi de fuir cette demeure. Mieux eût valu, frère, que tu eusses revêtu ton armure plutôt que de venir visiter Atli en cet appareil pacifique. Vous auriez pu combattre assis sur vos coursiers à la clarté du soleil et donner à pleurer aux nornes sur les corps des guerriers morts dans le combat. Vous auriez fait gémir les valkyries qui protègent les Yun et vous auriez pu jeter Atli dans la tour aux serpents. C'est vous maintenant qui y serez enfermé. Il est trop tard, ma sœur, pour appeler ici les Niflungen. Il faudrait trop de temps pour amener ces guerriers sans reproche à travers les âpres montagnes du Rhin. » Les hommes du beau-frère des Burgondes s'emparèrent de Gunnar et l'attachèrent avec de forts liens. De sa bonne épée, Högni en abattit sept. il en jeta un huitième dans le feu. Ainsi se défendit ce vaillant héros contre ses ennemis. Högni repoussa ceux qui voulaient frapper Gunnar. Ils demandèrent à Gunnar, chef des Goths, s'il voulait acheter sa liberté au prix de l'or. Gunnar était nommé au commencement de ce chant chef des Jûns, puis on le désigne lui et son frère sous le nom de Burgonde et de Goths. Le rédacteur de la saga ne semble pas avoir eu une idée précise de ces noms de peuples que la tradition lui livrait. Les sagas groenlandaises sont les plus récentes de l'Edda. Oui, si d'abord je tiens le cœur d'Eugni dans ma main, qu'on enlève de la poitrine de ce prince avec du fer le cœur ensanglanté du plus brave des guerriers. Ils enlevèrent le cœur de Jalli de sa poitrine et l'apportèrent tout ensanglanté à Gunnar sur un plateau. Gunnar, le chef des Goths, dit alors « C'est là le cœur du lâche Jalli. Il ne ressemble point à celui du vaillant Högni. On le voit encore trembler sur ce plateau. La poitrine qui le renfermait tremblait encore davantage. » Högni se mit à rire tout haut tandis qu'on lui coupait le cœur de la poitrine. Ce guerrier intrépide ne songea guère à se plaindre. Ils apportèrent son cœur sur un plateau à Gunnar. Gunnar, le vaillant Niflung, dit tout joyeux « Oui, j'ai là devant moi le cœur du brave Högni, qui ne ressemble point à celui du lâche Jalli. On ne le voit pas trembler sur le plateau, et la poitrine qui le renfermait tremblait moins encore. Puis se tut Atli, demeuré toujours aussi éloigné de mes regards, que les trésors que tu convoites le seront des tiens. Depuis que Högni est mort, je connais seul l'endroit où est caché le trésor de Niflungen. Aussi longtemps que nous étions deux à le connaître, je n'étais point rassuré. Maintenant que je reste seul, je ne crains plus rien. Le Rhin seul possédera ce trésor connu des Ases et qui portait malheur aux hommes, l'héritage des Niflungen. Les anneaux d'or jetteront un plus vif éclat dans les vagues du fleuve qui les ballotte qu'aux mains des fils des Jûns. Qu'on amène un chariot, qu'on enchaîne ce guerrier. Le puissant Atli, entouré d'un cortège de lances, emmena Gunnar sur un coursier qui faisait résonner le sol sous ses pas. Gudrun vit avec douleur la captivité du héros. Retenant ses larmes, elle se jeta au milieu de la foule bruyante. « C'est donc ainsi, Atli, que tu gardes envers Gunnar les serments que tu lui as jurés par le soleil levant, par la montagne de Zikti, par le repos de ta couche, par l'anneau d'Ullr ?» Zikti est un surnom d'Odin. Ullr est la divinité qui présidait à l'automne. Sur les ordres du roi, un étalon mordant le frein conduisit à la mort le guerrier, désormais seul maître du trésor. La troupe des soldats jeta le prince vivant dans la prison, toute pleine d'affreux serpents. Gunnar seul et en proie à la colère, joua de la harpe avec ses doigts de pied. Les cordes rendaient des sons puissants. C'est ainsi qu'un prince qui possède des trésors doit les refuser à ceux qui les convoitent. Après le meurtre, Atli dirigea ses coursiers ardents vers sa demeure. Le pas des chevaux et le bruit des armes des soldats firent retentir le bourg quand ils revinrent de la bruyère. Gudrun alla à la rencontre d'Atli. Elle présenta au roi une coupe d'or. « Salut au roi, maintenant tu posséderas comme un don de Gudrun les lances des guerriers morts. » Les coupes d'Atli remplies d'ale s'entrechoquèrent quand les Jûns se réunirent dans la salle, ces guerriers à la longue barbe. Souriante, elle s'avança, la noble femme, pour leur offrir à boire et pour présenter à manger au noble roi. Mais Atli pâlit quand elle lui eut adressé la parole. « Ô chef qui distribue de bonnes épées, tu as mangé les cœurs sanglants de tes fils avec du miel. J'ai pensé, vaillant roi, que tu aimais à manger de la chair humaine rôtie et en offrir à l'hôte qui occupe la place d'honneur. Jamais plus tu ne verras tes genoux herpés à est-il joyeux après avoir bu leur ale. Tu ne les verras plus brandir fièrement leurs lances ornées d'or, ni conduire ou dompter de bons coursiers. » Dans la salle retentirent les cris de fureur des hommes et les plaintes désolées des femmes. Ils pleuraient, les fils des Jûns. Gudrun seule ne pleurait pas. Elle ne pleurait pas, la femme au cœur fort, ni sur ses vaillants frères, ni sur ses 12 enfants si jeunes, si innocents, qu'elle avait eus d'Atli. Elle sema de l'or, la reine blanche, comme un signe. Elle offrit aux serviteurs des anneaux d'or rouges. Pour arriver à ses fins, elle prodigua le précieux métal. Elle n'épargna point son trésor, l'opulente reine. Imprudemment, Atli avait trop bu. Il était sans défense, car il ne se défiait pas de Gudrun. Leur tendresse eût mieux convenu en d'autres moments que quand ils s'embrassèrent maintenant en présence de leurs nobles hommes. De ses mains avides de meurtre, elle donna à boire du sang à la couche conjugale. Elle lâcha les chiens et jeta devant la porte de la salle des torches enflammées, préparant aux fidèles d'Atli un horrible réveil. Elle vengeait ainsi ses frères. Elle livra aux flammes tous ceux qui se trouvaient dans le bourg, les meurtriers de Gunnar et de Hogni, revenus de Myrkvid, le sombre lieu du supplice. Les salles s'écroulèrent, la demeure antique des Budlungen fut consumée avec les vierges armées de boucliers qui, jeunes encore, périrent dans les flammes. Ce récit est terminé. Jamais plus une autre femme ne portera ainsi le bouclier et ne vengera ses frères. Elle fit périr trois princes avant de succomber elle-même. Tout cela est raconté avec plus de détails encore dans le chant groenlandais d'Atli.